Bonjour à tous et bienvenue sur Big Brother in Games, l'émission de radio qui donne chaud à ta carte mère. Et avec moi, ici présent ce soir, nous avons mon équipe de choc, mes champions, mes destructeurs de lane, mes snipers. Bon, réellement c'était les moins chers, mais ils restent phénoménal. Phénoménaux ? Enfin, ils restent géniaux. Si Apollon et Dionysos avaient eu un enfant, ils lui ressembleraient comme deux gouttes d'eau, c'est Clément pour vous. Bonsoir à tous. Bon, je sais pas trop si ma description, hein, tu vois, c'est ce que tu m'avais demandé, hein. J'ai pas mis ton 06 avec, mais ça viendra, t'en fais pas. Non, je préfère pas. Après, tout le monde m'appellera. Au moins. Et dans le coin à ma gauche, le plus fou des fous, l'homme dont le danger ne fait pas peur, celui qui se relève à chaque fois, j'ai nommé Adrien. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà. J'ai fait une superbe intro et le mec il me fait ça genre c'est lui, moi sobriété, c'est Jackie. Bah, y a pas besoin, si tu veux, quand on gère, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Ça. Sobriété, faut rester là. C'est vrai que personne, tu vois, quand tu vas parler d'un bon jeu indépendant, bien sympa, t'es un truc qui fait vraiment plaisir, et bah non, t'as pas envie d'en faire un petit peu plus. Non. Ouais, j'attends ma chronique, tranquillement. Okay, sobriété. Ok. S'il existait un moyen de se téléporter, je sais exactement où se trouverait notre dernier chroniqueur. Hein. Eh bah oui, évidemment, dans le lit de Yellow Star, Benjamin, merci. Oui, bonjour. Oula. Comment allez-vous, c'est ça? C'est ça, ouais, ça. Tu vas bien, toi, là, dis donc? Bon, moi, je vais très bien, oui, absolument bien. Ok. J'irais encore mieux si je pouvais me téléporter, en effet. Ça viendra. Ça, j'en doute pas une seule seconde. Bon, juste avant de commencer les chroniques, je voulais juste prévenir les personnes qui nous écoutent qu'on a rejoint un groupe qui s'appelle Daily Games, c'est une web radio, et que du coup, bah voilà, c'était pour vous prévenir, vous laisser savoir de ce qui nous arrive dans l'émission. En tout cas, ça fait plaisir de voir que l'on pourra certainement faire les émissions en live d'ici quelques temps. Maintenant, après un petit moment sans nouvelles, c'est Clément qui revient dans ton bouche. Et oui, dans ton bouche, c'est pas facile à dire en fait. En tout cas, dans ton bouche, on parle de League of Legends. Et donc, je vais commencer tout de suite. Puisque la saison 6 des LCS vient de commencer, on a pu voir les meilleures équipes d'Europe, des États-Unis aussi. Il y en a pas. Si, si, il y a des équipes qui sont fortes aux États-Unis, mais il n'y a pas des Américains dedans. Les meilleures équipes coréennes, chinoises qui ont repris la compétition. Donc on va parler un peu de tout ça. Donc bon, je commence par le plus intéressant, je commence par l'Europe. Il y a des grosses attentes sur Origin, c'était la seule line-up à pas vraiment avoir subi de gros changements depuis les Worlds. Juste l'arrivée de Power of Evil, mais on sait déjà que c'est un... Ouais, le changement de PK, mais on sait déjà que Power of Evil c'est un très bon joueur, donc on pouvait en attendre beaucoup. Il y avait aussi la nouvelle structure Vitality qui a racheté le spot de Gambit Gaming, qui est une structure française composée de très bons joueurs. Voilà, Cocorico, on a une structure française de LCS avec un top laner français et un coach français. Ouais. Et la troisième équipe, bah, c'était Fnatic. On savait pas ce que ça allait donner après les trois départs importants quand même de l'équipe. Et même s'il restait Febiven et Reckless, on savait pas trop ce qu'allait donner à recrutement. Et donc on a eu le droit, comme match d'ouverture, un petit Fnatic contre Origin. Bah oui, c'était les deux finalistes du Summer Split précédent. Donc c'est eux qui ouvrent les LCS Europe, et on a vu un Fnatic assez en forme avec Gamzu au top qui a détruit Soaz. Hein. Je crois que c'est le mot, détruit. Il a fini avec Olaf à 9-1 contre Soaz qui était à 1-8 sur Lissandra. Donc ça a annoncé de très bonnes choses pour Fnatic. On voit quand même qu'ils ont le niveau pour battre des Origin, qui étaient actuellement considérés comme la meilleure équipe d'Europe après le départ de tous les joueurs de chez Fnatic. Donc voilà, Gamzu et Noxiac, moi j'étais très perplexe sur leur recrutement. Encore ouais. Spirit, on sait que c'est un très gros jungler. Gamzu et Noxiac, j'étais pas convaincu, mais là, je suis plutôt rassuré. Bon, je vais pas parler de tous les matchs, hein, mais parce que sinon, il y en a pour des heures. Mais je vais parler un peu des résultats. Donc on a quand même trois équipes qui ont fait 2-0. Et c'est un peu des surprises parce que moi, surtout dans ces deux équipes, dans ces trois équipes, il y en a deux que j'attendais pas du tout. C'était Gamers2 qui a fait 2-0. Ouais. Ouais. Line-up qui vient d'arriver. Moi, je les attendais plutôt au fond de classement qu'en haut. Mais bon, On est qu'à la première semaine, il y a que deux matchs de jouer. Ils sont pas encore, ils sont pas encore au World. Après, il y a Unicorn of Love, qui était aussi une structure qui a énormément changé, quasiment. Il y a une très grosse partie de la line-up qui a changé. Et la dernière équipe qui est à 2-0, c'est H2K. Bon, H2K, on les attendait un peu en haut. Eux, c'est. Normal. Ils ont un Forgiven assez en forme. Bon, ouais. La petite question, c'est quand est-ce que Forgiven sera ban ? Ça, est-ce que ça arrivera avant la fin de la saison ? Je sais pas. Ma chère troll. Bon, après, on a Fnatic, Vitality, Rocket et Elements qui ont fait une victoire et une défaite. Donc, Fnatic a gagné contre Regen, mais a perdu contre Vitality. Et Vitality a gagné contre Fnatic, mais a perdu contre Rocket. Voilà. Donc, on a trois équipes aussi qui sont à 0-2. Et alors, dans les trois équipes à 0-2, on a Giant et Splice. Bon, eux, c'était un peu attendu. On n'allait pas les attendre en haut du classement, surtout Splice, qui est un petit nouveau dans les LCS. Et la dernière équipe, bah, c'est Origen. C'est un peu une déception, mais bon, ils ont perdu contre Fnatic, ils ont perdu contre H2K. Je pense que c'est les Origen qui avaient les matchs les plus difficiles à jouer cette semaine. Et vu qu'on était sur l'Europe, je vais traverser l'océan Atlantique, mais je vais continuer à parler de l'Europe. Je vais commencer par TSM. Donc, chez TSM, et bah, Double Lift et ses coéquipiers n'ont pas réussi à vaincre son ancienne équipe CLG. Ils ont fait. Leur match était assez bizarre, leur plan de jeu était très étrange et je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais en tout cas, ils sont fait un peu détruire par les CLG. Ah ouais? Surtout TSM, c'est assez. Bon, TSM, c'est une équipe où ils ont recruté les. Ils ont quand même recruté Double Lift et Yellow Star et Svenskeren. D'ailleurs, Double Lift, Yellow Star et Svenskeren. Ça fait une équipe de talent, mais ils n'ont pas réussi à performer contre CLG. Bon, ils ont gagné dans leur autre match. Donc, ils sont à 1-1. On a beaucoup d'équipes qui ont fait 1-1 cette semaine aux États-Unis. Et on a deux équipes qui sont à 0-2, c'est Team Impulse et Liquid. Et on a deux équipes qui sont à 2-0, c'est NRG et Immortal. Bon, NRG, composé de Impact, ancien champion du monde hein, de saison 3 chez SKT. Ouais. Un sacré morceau. Ouais, un sacré morceau. Et qui a d'autres aussi chez NRG. Il y a des très gros joueurs chez NRG. Mais j'ai un trou. Ouais, ils ont recruté chez les Coréens, mais ils ont gardé en fait que deux personnes de la line-up Cost, si je dis pas de bêtises, et qui sont Concon et. Ils ont gardé Concon et ils ont gardé le midliner. Ils ont gardé Moon. Ouais. Voilà, ils ont gardé Moon, exactement. Voilà. Ils ont récupéré Gang by Mom. C'était Gang by Mom que je cherchais, merci. Et la deuxième équipe, Immortal, qui a recruté Uni et Rainover. Deux petits joueurs qu'on a un peu vu évoluer en Europe. On les connaît pas, si. Non, c'est les nouveaux, c'est. Ils ah, c'est des nouveaux, ça fait qu'un an qu'ils jouent. Hein. Ouais, mais c'est des rookies, ils sont nuls. Et tout. Mais bon, en tout cas, y a un truc qui me frappe un peu sur la ligue nord-coréenne, c'est le faible nombre de joueurs américains ou canadiens, puisque. C'est les deux pays qui sont dans la ligue nord-américaine. Alors, Riot ouais, dit nord-coréenne. Ouais, tu m'as perdu. J'ai dit nord-coréenne. Bah non, c'est ouais. Nord-américaine. Bah, il y a une nouvelle ligue nord-coréenne, mais celle-là, on la connaît pas encore trop bien. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Tu vois, en fait, le détour qu'il te fait faire, tu vois, le mec, c'est dans ton bush, il t'a mindfuck, mon pote. Même ouais, je me suis mindfuck, c'est encore mieux. C'est ça. Il y a peu de joueurs. Américains dans cette ligue. Riot avait mis des règles pour limiter le phénomène de recrutement à l'étranger. Et pourtant, cette année, les équipes américaines ont recruté Yellow Star, Uni, Rainover, Gang by Mom, Froggen, Smitty G et Kirei. Normal. Quelques recrutements en Europe et en Corée. Bon, voilà. Ils ont peut-être, je sais pas, les États-Unis c'est un petit pays, il y a peut-être pas beaucoup de très bons joueurs à trouver. Ouais, bon. Je sais pas le problème. Quand bien sûr, on ça. Parle aussi. Ah bah ouais, mais bon. Le règlement, bon. Ouais, c'est surtout qu'ils filent la nationalité aux gens, donc du coup après il y a moins d'Américains. Donc... Ah bah tiens. Mais ah, non, mais je trouve ça décevant d'avoir si peu d'Américains dans la. Au total quoi. Mais bon. Bah voilà, c'est bien ça. Pour le niveau de jeu quoi. Ce qui est c'est bien pour le niveau de jeu, mais en Europe, on arrive. En Europe, c'est ça le truc. En Europe, on arrive à garder un nombre d'Européens beaucoup plus important. Mais bref. Ouais, enfin, tu parlais tout à l'heure de Vitaly. Ils sont deux Français, quoi, dans l'équipe. Vitality ? Ouais, Vitality, pardon. Vitality, bah oui, mais ils sont tous européens. Tous les joueurs sont européens. Il y a le top laner est français. Bah, c'est une équipe, c'est une structure française, mais ils jouent en Europe. Donc après, ils n'ont pas été recrutés en Corée ou aux États-Unis. Ouais, c'est une structure européenne qui joue avec des joueurs européens sur la Ligue européenne, il n'y a pas de souci. Oui, oui, bah. Moi, je dis ça, tu vois, je voulais juste participer, vous êtes pas obligés de me snobber, quoi. Putain, les mecs, ils se gantent tous d'un coup, quoi. Non, c'est lui, la cible. Oh. Non, Vitality, pour moi, il n'y a pas de problème, c'est une structure européenne avec des joueurs européens. Ça me pose plus de problèmes, au final, pour Fnatic, qui est une structure européenne, mais avec deux joueurs coréens. Ouais. Mm. C'était déjà le cas avant, mais... Mais bon, je vais enchaîner sur la Corée. Hein. Allons voir pour chez la Corée, les voleurs alors... de lane. Pour la Corée, moi j'ai noté un truc quand même. J'ai pas regardé beaucoup de matchs, donc je vais pas en parler trop, mais la Corée, j'ai regardé un match, c'était les SKT contre les Jin Air Green Wing. Ah oui. Et les Jin Air Green Wing ont gagné 2-1. C'est en BO3 en Corée. Et bah, j'ai trouvé ça assez surprenant quand même de la part des SKT de perdre. Hein. C'est quand même nos champions du monde. Ouais, c'est clair, et puis surtout que moi j'ai vu un autre match, je sais plus, mais c'était pas le même, c'était contre CG Entus. SKT contre CG Entus, enfin là, CG Entus, y a pas eu de match, quoi, les mecs se sont fait massacrer. Ouais, ils ont très bien joué contre CG Entus, mais contre Jiner, bah Jiner a extrêmement bien joué. Et y a certains moments pendant le match, j'ai trouvé les SKT un petit peu perdus. Faut toute mesure garder, hein, c'est les SKT, mais il y a quelques moments où on avait l'impression qu'ils savaient pas quoi faire. Alors c'est vrai qu'ils ont perdu leur capitaine, hein. Marine, c'était le capitaine de l'équipe. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a quand même Marine qui est parti, et puis on sait quand même que la scène coréenne, ça bouge assez vite. Hein. Ah oui, ça bouge très vite même. Et donc le dernier point, vu que je parlais de Marine, bah Marine, il est parti chez LGD, donc LGD qui est... censé quasiment être sur le papier être l'une des meilleures équipes au monde, hein. On a Marine au top, Imp en ADC, Godvi au mid, mais LGD a subi deux défaites, enfin même pas deux défaites puisque c'est en BO3, mais enfin deux BO3 perdus, donc 4 games de perdu, massacre, ça fait beaucoup. Bah, la même chose qu'au World au final, hein. C'est oui. L'équipe la plus chère du monde, mais ah oui, c'est oui. Pas les résultats. Ouais, c'est bien d'avoir des très grands joueurs, mais si on n'arrive pas à les faire jouer, bah ça donne pas de résultats. Donc voilà, ça c'était le petit tour des LCS. Je voulais pas m'étendre trop longtemps dessus. C'est raté. C'est raté. Mais pour finir quand même, je vais partir un peu de l'actualité de LoL et pas que de la scène compétitive. Et donc au niveau de LoL, on a un nouveau champion qui va bientôt sortir. Okay. Il s'appelle Jhin. T'as 2 minutes. Hein. Oui, bah en 2 minutes, j'ai le temps. Okay. Il non, s'appelle. Countdown, tu vois, voilà, je commence à être un peu strict comme animateur. Hein. J'impose mes règles. Mais t'inquiète pas, je vais tenir mon temps. Tic-tac, mon pote. Hein. Mais là, tu me fais perdre mon temps, surtout. Oh, je déconne. Allez, salut. Donc, on a un nouveau champion qui va sortir, il s'appelle Jhin, et ça sera un ADC. Donc, au niveau de son auto-attaque. C'est un champion qui fonctionne à peu près comme Graves, qui a Graves à 2 charges et doit recharger. Jhin en aura 4 et devra recharger, sauf que la quatrième, ce sera forcément un critique. On s'est compensé par le fait que ces critiques font moins mal que les critiques normaux des autres champions. Et deuxième effet aussi, qui est un petit peu comme Graves, c'est que les bonus de vitesse d'attaque et de chance de coup critique n'auront pas d'effet en tant que tel, mais auront un effet d'augmentation d'AD. Voilà. Mais pour en parler, on a un spécialiste avec nous. On a une personne qui a eu la possibilité de le tester. Donc Adrien, que peux-tu nous dire de Jhin et qu'est-ce que t'en penses un peu de ce nouveau perso ? Bah, moi perso, enfin, étant donné que j'ai l'habitude de jouer ADC, juste j'adore. Enfin, c'est juste le sniper façon Caitlyn, sauf que tout est en skill shot. Donc bon, j'ai un petit peu galéré parce que sur le PBE, tu joues sur le serveur américain, donc du coup, j'ai joué avec 160 de ping. Donc les skill shots, je les ai pas tous placés. Mais bon, franchement, c'est très très fort. Et son passif qui lui permet de générer de l'AD en fonction de ses coups critiques et de sa vitesse d'attaque font que tu peux facilement monter à 600 d'AD. Je crois que j'ai même vu un mec le mettre full vitesse d'attaque et arriver à un truc genre 700 et quelques, quand même comme ça. J'ai vu en 700 AD, effectivement. Ouais, c'est juste insane. Le truc, en fait, c'est que j'ai l'impression... Parce que le perso est... Le papier mâché, c'est résistant à côté de Jin. Hein. Clairement. D'accord. Le perso se fait tout shot, mais pas n'importe quel perso qui aura un peu de dégâts. J'ai presque envie de dire c'est l'ADC qu'il faudrait jouer en dehors du teamfight, tu vois. Parce que son Z à la portée de l'ulti de Lux, si je crois me rappeler correctement. Enfin, il a la portée la plus longue du jeu. Et son R, bah, au niveau de la portée, ça va de entre les deux tours du mid. Mm-hmm. J'ai vu la portée du R et j'ai vu la façon de fonctionner du R et je pense qu'on aura quelques fails assez monumentaux quand... Clairement. J'ai joué Jin et le mec d'en face, j'ai joué Jin aussi. Deux, trois coups, il m'a mis son ulti, juste l'a lomé et c'est passé tout seul. Hein. J'ai pris aucune des 4 balles. Donc ouais, l'ulti qui tire 4 balles, donc déjà qui font des dégâts en fonction des PV manquants, donc même sur les tanks, bon bah ça pique un peu. Et le quatrième tir, au dernier niveau de l'ulti, c'est 250% de critique. Ah ouais, rien que ça. Plus les PV manquants, bon, ça pique sévèrement. Après, comme j'ai dit, faudrait limite voir pour essayer de le jouer en dehors du teamfight en fait. Faudrait que... Je sais pas, par exemple si le fight il est au niveau du Nashor, faudrait limite le jouer derrière l'antre du Nashor, quoi. Ah ouais. Je sais pas si tout le monde voit okay. Un peu. Faudrait jouer vraiment très très loin. Parce que son auto-attaque, en fait, il doit s'approcher beaucoup trop près pour être safe. Ou alors faudrait le jouer avec un time kench, mais... Ouais, non, c'est chaud. Mais de loin, par contre, il fait juste des dégâts, mais complètement insane. Donc, non, je l'attends avec impatience, il a l'air très très cool. Ok. Et bah, merci Adri. Okay. Et ici, pour la petite anecdote aussi, il va sortir avec un skin de la pleine lune. Je crois que c'est le même style de skin qu'a eu Yasuo en mode cowboy. D'accord. Et le teasing de Jin a été fait autour du fait qu'il a tué 4 personnages du jeu, qui sont Sona, Riven, Zed et Garen. Et je sais pas si Riot va nous faire un truc façon comme l'été dernier où Gangplank était mort et donc du coup on pouvait pas le jouer je crois pendant 2 semaines ou quelque chose comme ça. Je sais pas si on va perdre la capacité de jouer ces persos pendant 2 semaines, mais voilà. On verra bien. D'accord. Tu veux qu'on marque dans l'émission aussi que t'as été sponsorisé toi cette fois-ci par Riot pour faire la promotion de Jin aussi. Ah, y a pas besoin de me sponsoriser. Tu me mets un ADC comme ça qui est tout en skill shot. Je suis vendu. Bienvenue, ceci est le démon. Tu peux signer le contrat devant toi, s'il te plaît. Voilà, le perso c'est un support. Bon, tu laisses Clément en parler, il en fera plus ouais. L'apologie. Mais moi, exactement. Il y a un ADC comme ça qui est tout en skill shot, je te dis, ouais. Avec lesquels il y a moyen de faire des jolis plays. J'achète. Justement, c'est ça que je comprends pas en fait, c'est que c'est un perso tout en skill shot, donc je sais même pas comment tu pourrais arriver à bien jouer en fait. Et bah, ouais, justement, il faudra le découvrir par vous-même. Parce que maintenant, on va faire une petite pause musicale. Et parce que, bah, logiquement, Clément, tu vas me dire, hein, ta chronique est finie là. Exactement. Putain, qu'est-ce que c'est du bon timing ça. Et. Bah, merci pour ta chronique, c'était super cool. Maintenant, on en sait un peu plus sur le monde de l'actualité. Enfin, dans mais... l'actualité Lolis, qu'on va l'appeler, j'aime bien ça. Mais merci à toi, Julien, et puis merci à Adrien pour sa petite review aussi. De rien. Mister. Je vous en prie. Mister Pro ADC. C'est ça. Ok, et tout de suite, on part avec Asian Kung Fu Generation Haruka Kanata. Laissez-moi sonner, yo, yo, le monde guerre. Et ouais, c'était Asian Kung Fu Generation, Haruka Kanata. Donc Adrien, merci, hein, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu la BO de Naruto. Bah de rien. Fun. Et tout de suite, hein, vu que c'est toi qui as proposé le son, en plus, tu nous fais le plaisir de ta chronique, le GGN. Eh bah, on enchaîne. Grave. Donc moi cette semaine je vais vous parler d'un petit jeu de baston façon RPG, Punch Club, qui est sorti donc il y a 10 jours, le 8 janvier, et qui est donc, comme je disais, un RPG gestion de carrière de boxeur. Qu'est-ce qui se passe dans Punch Club? Il se passe que je vais commencer par dire par qui ça a été développé et par qui ça a été publié. Ça a été publié par Lazy Bear Games et publié par Tiny Build. Tous deux des boîtes originaires de notre chère mère Russie. Donc j'avais pas l'habitude de jouer à des jeux russes, donc on va voir ce que ça donne. L'histoire c'est quoi? L'histoire c'est Bob. On va l'appeler Bob parce que il a pas de nom dans le jeu, c'est chacun a le choix de renommer le perso comme il veut. Donc Bob est un gentil petit garçon qui s'amuse avec son frère. Et le grand-papa est boxeur, et un soir, le grand-papa se fait buter, sûrement parce qu'il n'a pas voulu se coucher lors de son match. Et donc l'histoire reprend genre 20 ans plus tard. Bob ne branle rien, n'a pas de copine, et même une merde en baston. Mais comme la partie commence, Bob a décidé de se sortir les doigts du cul. Donc va falloir trouver un taf, va falloir se choper à bouffer, et bien sûr va falloir commencer à s'entraîner pour se mettre à la boxe. Il y a un petit peu tout en ce qui concerne l'univers de la boxe, donc bien sûr il y a les bastons, il y a les entraînements, il y a le dopage, il y a la gestion de la vie amoureuse, la petite amie qui fait chier, tout ça. Comment ça se passe au niveau du développement du personnage? Donc en fait on a trois stats sur lesquelles on va pouvoir jouer au cours des entraînements, qui sont la force, qui permet de taper plus fort, l'agilité qui va permettre d'esquiver plus de coups, et l'endurance qui va permettre de mieux encaisser et d'avoir une plus grande barre d'endurance pour pouvoir mieux tenir les combats. Et à côté de ces trois stats, on va avoir un arbre de compétences pour pouvoir se spécialiser selon notre envie de gameplay. Donc c'est un jeu bien sympa, ça se joue tout à la souris, ça se joue un petit peu façon point and click. Ça se joue façon point and click en fait. Ça va Oui, ça va. Yes, it is my very good English accent. Point and click. Motherfucker. Mister Dublin, va. Mister Dublin. Donc voilà. Tu m'as fait perdre le fil. Exactement. Ouais, typographisme, comment ça se passe? C'est pas du pixel art, mais on est sur façon un jeu de Super NES, on va dire. Un beau jeu de Super NES. Qui est, ma foi, plutôt chatoyant et sympa. Chatoyant. Oui, chatoyant, j'ai envie d'utiliser des mots comme ça aujourd'hui, chatoyant. T'aimes bien chatoyant, je crois que c'est pas la première chronique que tu le sors. Je crois en plus, putain. Ouais, je suis quasiment sûr aussi que tu l'as déjà utilisé plein de fois d'ailleurs. Mmh. Ouais. Je te répète un peu. Hein. Merde. Bon, maintenant qu'on a résolu ce mystère, on peut continuer. Ouais. Proceed. Donc... Au niveau des combats, comment ça se passe? Alors en fait, les combats sont complètement automatisés. Pas de touche pour frapper ou quoi que ce soit. Juste, en fait, on va avoir des slots dans lesquels on va pouvoir mettre différentes stratégies que le perso va utiliser au cours du combat. Et entre chaque round, on pourra rechanger les stratégies pour pouvoir s'adapter en fonction de la situation. Donc c'est un truc que j'avais trouvé plutôt sympa. Le seul problème, en fait, c'est que bah, ça n'a pas été assez poussé, quoi. J'ai voulu essayer de me mettre à essayer de changer les stratégies et tout, et ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre la meilleure stratégie et la garder tout le combat. Si ça passe pas, c'est que t'as perdu. Mais en gros, tu... Voilà, j'ai pas trouvé ça assez poussé pour le coup. Il y avait de l'idée, mais dommage. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On passe son temps à essayer de gérer son emploi du temps. C'est la partie qui va être un peu la plus chiante et la plus compliquée en même temps. Parce que, clairement, quand tu commences à essayer de prendre un peu de temps pour ton entraînement, que tout à coup tu réalises que t'as plus de thunes, il va falloir que t'ailles bosser pour choper à bouffer, et que c'est la fin de la journée, et à la fin de la journée, en fait, tu perds des stats. Donc, du coup, faut bien penser à te rentraîner pour rattraper tes stats. Du coup, c'est la merde. Et c'est un peu la chose que je vais reprocher au jeu, c'est que en fait j'y joue une demi-heure et après avoir passé une demi-heure à grappiller un petit peu d'objectifs pour réussir à avancer dans le scénario, et tu t'arrêtes parce que t'as pas envie de trop faire chier avec tout le planning à rattraper et tout. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai trouvé sympa, mais à petite dose. Donc je pense que je l'ai pas encore fini à cause des problèmes évoqués. Et je pense que je vais continuer à progresser comme ça dessus, vraiment par petites doses, parce que c'est un jeu de baston, et c'est plus le quotidien qui est une baston que les combats. Donc voilà. Après, sinon, voilà, tout se joue à la souris, donc c'est super clair, simple et efficace en soi. Je trouve que ça conviendrait pas mal à des gens qui sont des casus en matière de RPG. Donc voilà, si vous êtes fan, allez-y, c'est blindé. Alors si ça, par contre, j'oublie le très bon point, c'est blindé de références. Partout, partout, partout. Genre quoi? Partout. Genre les Tortues Ninja, Fight Club. Les Simpsons. Les Simpsons, oui, il y a Apu, celui qui vous vend la bouffe, c'est Apu. Ah oui, oui, c'est vrai. Il y a Mortal Kombat, il y a Rocky, bien sûr. Ah bah il y a Ken le Survivant, non? Avec Je les rappelle. Mecs enfin genre il y a une cinématique au tout début, tu te fais attaquer par des loupards. C'est le schéma typique de Ken le Survivant, ça. Bah si tu veux, ouais, tu peux te faire agresser parfois en te trimballant sur la route. Les graphismes rappellent un petit peu ouais. Après, j'ai pas vu de référence directe en soi à Ken le Survivant. Après, je suis pas un grand fan de l'esprit, mais je sais plus, j'ai vu Mickey aussi là, le forain de Snatch. Enfin voilà, il y en a partout. Oui. Il y a Monsieur Propre aussi. Il y a Monsieur Propre, j'ai vu Monsieur Propre le toit. Putain, j'avais pas tilté sur le coup. Quand je me suis rendu compte que le vendeur du gymnase, c'était. Enfin, le vendeur d'équipement de sport, c'était un mec avec le crâne rasé qui s'appelait Propre. J'ai fait what the fuck. Donc non, ouais, ça par contre c'est la super bonne partie du jeu, c'est blindé de références dans tous les sens, à tort et à travers, et j'ai trouvé ça super cool. On sent que ça a été fait par des passionnés. Donc voilà, merci la Russie. Il est sur Steam à 10€. Franchement, ouais, comme j'ai dit, pour les casus de RPG, foncez. Si vous voulez jouer à petite dose comme ça tous les jours, les yeux fermés. Voilà, ce sera tout pour moi et mon petit jeu Punch Club. Et ben, merci bébé Adri, hein. Et mon petit jeu Punch Club. Coucou. Ça va, t'as, c'est... Vous trouvez pas qu'il est étrangement calme et étrangement, tu vois, genre poli, il laisse les gens parler, quoi qu'en même temps, il a squatté ta chronique, Clément, donc... ouais, mais ça, je suis habitué, hein. Ouais, pardon. Je pose squatter. C'est vrai que tu l'as invité. Mais je l'ai invité dans ma chronique, c'est différent. Voilà, voilà. Faut remettre les crédits là où ils doivent être. Ouais, d'accord. En tout cas, merci pour cette chronique et pour ce jeu, hein, Punch Cup, du coup, sur Steam, à 10 balles. Et maintenant, on va partir avec Crow Zero et une des chansons du film. Ouais, on continue à se taper. c'était donc la track 14 de l'OST de Crow Zero. Et maintenant, celui qui, comme on l'a déjà dit, aimerait se téléporter un peu partout et qui surtout va bientôt avoir un nouveau jingle qui lui ira mais comme un gant, c'est Benjamin. Oui, c'est moi. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Alors, aujourd'hui, on va parler... On est très très réactif, là, c'est... tu le sens, le bon gros vent, là? C'est à moi que tu parles. Même les auditeurs, ils sont là, ils vont te regarder, genre, l'héros, va. Oh là là, c'est pas sympa avec moi. Alors que je vous amène plein de petites infos. Alors aujourd'hui, ça va être du Dota, du Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard, du SC2, StarCraft 2, et pas mal de CSGO, et aussi, bien entendu, une tout petit bout de chronique sur la team YP, hein, parce que je sais que vous adorez ça, vous les gars. Surtout 2-3 personnes hein, au niveau de la team, donc c'est-à-dire que toute la team, en fait. Hein. Surtout alors... Julien est un très grand fan, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Là. C'est pas vrai, je suis pur et innocent encore, moi, les mecs. Ouais, c'est ça, ouais, on va te croire. Enfin bon, alors du coup on va commencer par du Dota 2, parce que j'ai pas grand chose à dire sur Dota 2, si ce n'est qu'on a eu la finale de la SL League à Minsk en Biélorussie, enfin, voilà. En plus c'est pas facile à dire, qui était une finale entre Alliance et Evil Genocide, donc IG, deux énormes teams sur Dota 2, Alliance qui est là depuis vraiment longtemps hein, sur la scène, qui est quasiment là depuis en même temps que Na'Vi. J'en avais parlé dans une autre chronique, donc ça fait 4-5 ans quoi. Et ils ont gagné encore une fois la team suédoise qui a encore poutré du poignet sur cette petite compétition. J'ai cru pendant un moment que t'allais être classe quoi. Moi classe, non, c'est pas j'aurais possible. Jamais dû y croire. Voyons, tu me connais, Julien. Tu me connais. Poutré du poignet. Voilà. C'est une nouvelle expression. Ça fait John, c'est tout. Bref. Ouais, pourquoi pas. Alors sinon, on va parler d'HOTS très rapidement, je vais survoler. C'est SK Gaming, qui avait une structure HOTS. Leur structure, en fait, c'est tout simplement disband. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés. Pourquoi alors? Comme d'habitude, on a très très peu d'infos. Je pense que ça va être les joueurs qui vont nous le dire un peu plus tard. Une fois que ça sera vraiment confirmé tout ça, mais en gros des problèmes de conflit de personnalité et de mauvaise ambiance au sein de l'équipe, donc souvent ça veut dire scandale à la fin, donc ça va être intéressant, mais pour le moment c'est pas très drôle, pas grand chose à dire là-dessus. Dis donc, cache ta joie de faire ta chronique toi hein. Ah mais non, mais les disbandes dans l'e-sport, ça me fait toujours un mal au cœur en fait, je trouve ça nul, c'est souvent les mêmes choses qui se passent. De personnes qui prennent un peu trop le chou, ouais, on est bon dans le jeu, et au final ça fait une mauvaise team. Je suis désolé, je vais continuer dans les trucs plus tristes. Ouais, c'est vrai que c'est pas très cool quand même pour une chronique. Mais bon, c'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup. C'est de StarCraft 2, c'est MMA, donc qui a pris sa retraite. Qui avait pris sa retraite au moment de la Home Story Cup, c'était à 12, si je dis pas de bêtises. Et qui a fait un interview très récemment. Sur justement le fait qu'il prenait sa retraite d'e-sport, donc de StarCraft 2. Et il disait dans cette chronique, dans cette interview, pardon, qu'il était extrêmement triste et que la scène compétitive allait énormément lui manquer, ainsi que l'Europe, parce qu'il faut savoir qu'il était dans une équipe européenne, avec un coach européen, alors que MMA, c'est un joueur coréen à la base. Donc voilà, ce qui est un peu dommage, parce que si jamais ça lui manque tant que ça, la scène compétitive, pourquoi il ne reviendrait pas? Alors que. Tout le monde l'aimait bien, qui gagnait plusieurs choses, qu'il a d'ailleurs fini sa carrière sur une victoire à la Home Story Cup. Donc voilà, il pose les bases. Donc voilà, c'était la petite partie un peu triste. Maintenant, on va partir sur les choses vraiment sympathiques, vraiment très drôles et vraiment. C'est magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais parler de Nation Wars 3, donc la compétition par pays de StarCraft 2. Alors, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on avait Pologne-France contre Corée du Sud et Finlande en demi-finale. Donc bon, la Finlande, elle s'est fait massacrer. Ça, c'était à prévoir. Mais la Pologne, on ne pensait pas qu'elle se serait fait massacrer aussi. Ça a été le cas, elle s'est fait massacrer par la France, par un Marine Lord... magnifique. Surtout le tournoi, il a été absolument fou. Il a fait 4 all kills, donc c'est-à-dire qu'il a fait à 4 reprises, il a tué toute l'équipe ennemie à lui tout seul. Donc un par un, hein, voilà. Easy. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. C'est quelqu'un qui n'a pas le temps. Et on arrive en finale, et là on se dit, on va voir ce qu'on peut faire. Mais normalement, la Corée du Sud, c'est quand même le big boss au niveau StarCraft 2. Bon, ça l'a toujours été. Même de StarCraft 1. Pas que forcément StarCraft 2. Et alors d'abord, il y a eu Stefano qui a joué. Qui lui par contre s'est fait ouvrir. Et puis derrière ils ont fait rentrer Marine Lord parce que jusqu'à maintenant il avait des bons résultats, donc c'est vrai que pourquoi s'embêter à mettre le plus mauvais d'abord et ensuite le meilleur. Ils ont mis Marine Lord, il est arrivé, il a dit maintenant c'est mon tournoi, et il a mis un ulti le coréen. Et donc la France est championne du monde de StarCraft 2. Et ça, c'est cocorico quand même. Alors, ensuite, ça c'est tout ce que j'avais en StarCraft 2. Maintenant, on va partir sur du Fnatic et sur du CSGO. Donc, Fnatic, énorme équipe européenne, considérée comme les meilleurs mondiaux en ce moment. Là, depuis 2-3 mois, c'est vraiment. Puis ils ont fait un léger changement d'équipe. Là, on arrive à un top niveau compétitif. Et ils ont gagné, du coup, la Star Series. Star Series 14, du coup. C'est compliqué. Je te le dis, en plus, utilise pas certains mots avec lesquels tu n'es pas confortable, Ben. Comme phénoménal ou phénoménal, c'est ça? Au pire, tu dis chatoyant. Ouais. C'est la technique. C'est la technique à Adrien, en fait, tu vois, c'est comme... c'est comme Perceval. C'est pas faux. Ouais. La boîte secrète. Voilà. Non, donc du coup, ils ont gagné 2-0, là, donc encore un titre pour la nouvelle équipe de Fnatic. Donc c'est quand même... Puis en plus, ils ont gagné contre les Navi, qui sont quand même assez solides à ce niveau-là. Du coup, le Red Dot Invitational. Ok. Alors du coup, c'est le tournoi qui était organisé par O'Gaming, donc la team de Français, qui était en même temps que les Nation Wars, et qui devait être fait normalement à l'Opéra... Si c'était Opéra, pareil. Attendez. C'était à l'Olympia, je crois. L'Olympia. Enfin, les Nations Noires étaient à l'Olympia. C'était à l'Opéra, parce qu'il y a plusieurs opéras à Paris déjà. Oui, non, mais c'est. Non, c'était l'Olympia, excusez-moi. C'était l'Olympia que je voulais dire, à Paris. Et qui, malheureusement, n'avait pas pu être fait pour des raisons. C'était juste après les attentats, ça tombait en semaine, ils n'ont pas pu vendre en fait tous leurs tickets. Et leurs tickets étaient très chers aussi. Ouais, en même temps, c'est la salle de spectacle la plus mythique de Paris, quand même. Ça tue le coup un peu sur les ventes, c'est pour ça. C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que c'est surtout un problème d'argent à ce niveau-là. Parce que du coup, ils ont annulé et ils ont fait les finales online, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est très dommage, mais au moins, ils les ont faites. Et du coup, alors, la team qui a gagné, c'est la team question mark. Donc, point d'interrogation. Point d'interrogation pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'ancienne team TSM qui a décidé de se séparer du sponsor et qui maintenant s'appelle la team question mark, qui finit devant NVS et Dignitas et Titan. Donc, NVS, c'est la team française. Je sais pas si vous connaissez. On avait déjà parlé la dernière chronique, une grosse team française quand même. Et après, bon, la team question mark, c'est des gros joueurs aussi, puisque t'as Dupré, t'as Kajun B et Karga. Donc ça, c'est les trois carrières, on va dire, de l'équipe CSGO question mark. Donc c'est tous des Danois, c'est la petite spécification. Ils sont absolument tous Danois, même le coach est Danois. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce qui me reste dans cette petite chronique? Il me reste la partie que tout le monde attend, comme d'habitude. Celle où je me fais toujours charrier en début d'émission, en fin d'émission, pendant l'émission, après l'émission. C'est quand t'arrêtes de parler, c'est ça? Oh. Spoom Douglas, mon pote. Et là, si les gens avaient la possibilité de me voir, tu vois, genre un micro, je le lâcherais comme as, je prendrais des lunettes de soleil, je traverserais la pièce en volant. Et vu qu'on voit rien, ça pète complètement les faits, en fait, c'est de la merde. Et voilà, exactement. Je m'en fous, j'ai eu mon Thug Life, moi, les mecs. Moi, je peux le dire, j'ai eu mon Thug Life, là, parce que tout le monde vient de l'imaginer. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Beaucoup plus importantes. Comme la team YP, par exemple. Comment tu veux que je me foute pas de ta gueule après, quoi? C'est quelque chose de très important parce que c'est une team qui monte, mine de rien. Et donc, comme je l'avais dit à la fin, tu es en train de chercher une nouvelle, deux nouvelles teams CSGO. Une team masculine et une team féminine. Ce qui avait donné lieu d'ailleurs à de nombreux jeux de mots et autres moqueries de votre part et de ma part aussi. Et c'est bon, ils ont trouvé en fait, ils ont trouvé leur team. Donc mine de rien, ça prouve que les gens veulent leur faire confiance. Ou alors ils sont trop en chien pour trouver un sponsor, c'est différent. Voilà. Alors du coup, les deux teams, c'est les teams Phenomenon, ouais, ça, et Team New Era. Donc c'est deux teams américaines. Hein, parce que c'est quand même à la base d'Américains. Et donc voilà, ils ont trouvé leurs deux teams. Ça a l'air de bien se passer, mais je vous avoue que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur comment se passait l'entraînement et les matchs et tout ça. Mais au vu de leur annonce à la base, ils étaient plutôt contents de leur recrutement et les équipes recrutées étaient elles aussi plutôt très contentes de faire partie de l'aventure qu'est la team YP. Attends, tu parles d'YP là ou tu parles du monde des bisounours? Alors, les coachs, ils étaient très contents. Et les joueurs, et très très contents. Eh oui, mais c'est ça. Ça reste une équipe, hein. Voilà, c'est ça. Ils peuvent pas dire que ça se tape sur la gueule. Ou alors ça fait, comme SK Gaming sur HOTS. Oui, petit scandale. On s'entend pas bien entre nous. Enfin bon, voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Mais ils ont trouvé leur équipe qu'ils cherchaient. Ça, c'est beau. Et c'est aussi la fin de ma chronique. Donc du coup, je te rends ton micro que t'as fait tomber, Julien, et je te dis balance, quoi. Ok. Alors je crois que je suis censé te remercier pour ton travail. Ouais. Pour les infos de Ben, et en même temps, je me sens... Comment dire? T'aurais pas dû faire cette vanne. C'est trop, tu vois, là, maintenant, c'est pesant, c'est lourd. Et justement, en parlant de lourd, on va en envoyer du gros son avec l'opening de Samurai Champloo, Nuhavest Battle Cry. Opens my motor's operandi is an outgun. Steel packed C'était l'opening de Samurai Champloo par le maître du style Nurhaves. Nurhaves ? Oh, je sais pas, j'y arrive jamais en fait. On va dire Nurhaves avec Battle Cry. Et maintenant, il est temps, hein, rentrer avec moi dans la cave asiatique. On va parler d'un animé qui a changé les codes, d'un animé qui a fait un buzz, et même non, qui est passé dans les animés cultes très très vite. C'est Samurai Champloo. Hein, une série au format classique, hein, 26 épisodes, 24 minutes par chaque épisode, diffusée au Japon à partir de 2004 par Fuji TV. C'est la deuxième série du réalisateur Shinichiro Watanabe, hein, qui est connu pour avoir fait le cultissime Cowboy Bebop. Rien que ça, quand même, je pense que même vous, les mecs, au moins Benjamin, tu dois connaître Cowboy Bebop. Moi, je connais, c'est plutôt cool. C'est le même réalisateur qui a fait ça, et c'est du travail de ouf. Hein. Et d'ailleurs, comme Cowboy Bebop, un petit truc amusant, Samurai Champloo ne sera diffusé qu'à partir de minuit sur les ondes nippones, en raison de la violence graphique, hein, ce qui est légèrement bizarre quand on connaît le goût des réals là-bas. Hein. Ouais, plutôt. Putain. Et la série connaîtra pas un gros succès, hein, au Japon. Et il y aura une petite anecdote encore, il va y avoir à un moment une coupure dans la production. J'ai dit qu'il y avait 26 épisodes, mais ça va être fait en deux saisons, où il va y en avoir une partie de 1 à 17 et ensuite de 17 à 26. C'est parce qu'il y a eu un changement de maison de production. Bon, je sais depuis le début, les mecs, que les animés et mangas, c'est pas votre délire, hein, mais restez avec moi, parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez pourquoi cet animé est génial, parce que c'est quand même un des meilleurs qui existent, à mon avis. Non, mais on est là, hein, pas de soucis. Donc, moi, je suis pas là. Arrête. Donc, petite explication sur le titre. Alors là, pour le coup, Samurai Champloo. Samurai, évidemment, c'est tout ce que c'est. Quant à Champloo, en fait, ça fait référence à un plat typique d'Okinawa qui consiste en une sorte de poté, un peu. Le terme indique aussi un brassage culturel, car la culture à Okinawa a été vachement influencée par le Japon, la Chine et les États-Unis. Bref, c'est un terme qui convient à merveille pour désigner le melting pot qu'est la série. Je suis très fier de moi d'avoir réussi à caser Melting Pot. Donc on maintenant. On va juste applaudir. Bravo. Félicitations. GG. Merci les mecs, ça me touche. Propre. Maintenant, passons à la partie la plus fun et la plus casse-gueule, le résumé. Hein. Donc voilà le topo. On se retrouve amené dans un Japon du Moyen-Âge alternatif. Vous comprendrez pourquoi je dis ça plus tard. Dans des paysages magnifiques, des vallées, des rizières, des montagnes, des bords de mer, des villes très animées. Hein, c'est vraiment. Il y a une différence au niveau du design et des paysages qu'on voit qui est justement hallucinante. On se retrouve du coup, hein, des paysages magnifiques, comme je disais, l'ère des samouraïs, l'ère des combats pour sauver son honneur, des combats pour survivre. Et donc, dans ce bon gros merdier qu'est le Japon du Moyen-Âge, hein, on suit l'aventure de trois personnes que le destin a réunies pour on ne sait quelle raison. Donc les trois personnages, c'est la mignonne Fou, dans son kimono rose avec sa lame courte, 15 ou 16 ans. J'ai l'impression d'être en train de la vendre quand je dis ça. Tu sais, en mode, et c'est parti messieurs, oui, tu qui, va se peur, montrer... en fait. Qui va se montrer le plus offrant pour remporter la jeune Fou? C'est donc ce monsieur, ici présent, qui va repartir avec cette adolescente et gagner un aller gratuit pour la case prison. Ok les gars, on va l'appeler tout de suite la police là, parce que Julien, je sais pas trop ce qu'il faut, mais... C'est mon moment, j'ai le droit de faire ça. Enfin bon, Fou, c'est une orpheline qui bosse dans un resto. Un jour, t'as deux personnes qui débarquent et défoncent littéralement le resto. Ah non, vraiment, hein, la baraque se casse la gueule. À tel point qu'elle se retrouve à la rue et elle en profite après, parce que du coup, il va y avoir plein d'histoires, mais elle en profite pour les sauver et dans le même temps les recruter, les deux maboules, pour les emmener sur une quête complètement grotesque. Et donc, je vous ai parlé de Fou, mais avec les deux autres, le trio maintenant est composé de Jin, un orphelin sans maître et donc autodidacte en ce qui concerne la pratique du sabre. Donc en gros, c'est une bonne grosse version une version rétro du samouraï. Le délire où il voyage tout seul et règle les problèmes quand il le souhaite, avec bien sûr une tête, on va pas dire constipée, mais bien sérieuse du coup, tu as la différence. C'est le mec, t'as l'impression qu'il a tout le temps envie de lâcher un paix, mais il n'y arrive pas, du coup, il fronce les sourcils. Et puis le dernier larron de la bande, c'est, bah, pour le coup, lui, c'est un vrai psychopathe au passé super sombre et qui, pour garder sa liberté, défie l'autorité en permanence. Vous l'avez compris, nous sommes en présence du blaireau de base qui va amener tous les éléments perturbateurs. En tout cas, c'est ce qu'on peut croire au début, parce qu'ils sont tous plus ou moins cons à leur manière, hein. On va être très vite d'accord là-dessus. Bon, maintenant que vous êtes un peu plus familier avec l'histoire et les personnages, ça vous parle un peu plus ou pas, vous ? Lol, pas vraiment. Okay. Non, pas plus que ça. Non, mais merci les gars, je vois que vous me soutenez à fond dans mon délire. Ah oui, mais... C'est bien fait ton délire, on écoute. Ouais, non, mais c'est un cas clinique de délire, il n'y a pas de soucis. Ouais, non, mais franchement, comparé à Battle Rabbit dont je vous ai parlé la dernière fois. Ah oui, oui, non, mais là c'est sûr, c'est pas la même. Voilà. Merci quand même de dire que je suis pas complètement zazard encore. Ah, disons qu'on est passé du LSD à la cocaïne un peu douce, quoi. C'est ouais. Tout. C'est un compliment c'est... que je suis prêt à accepter. De toute façon, c'est le seul que tu veux avoir, donc. Espèce d'enfoiré. Et donc, et puis là, c'était... je vous disais ça parce qu'au final, on n'a pas fini d'en parler. Hein. Comme je vous l'ai dit, le réalisateur est Shinichiro Watanabe. Il est donc impossible que ce monsieur n'ait pas donné un sens plus symbolique à cet animé. Et vous avez raison, oui, il l'a fait pour votre plus grand bonheur et le mien. Lors du visionnage, il y a plusieurs choses qui feraient faire un AVC à un aficionado de l'histoire du Japon. Bah oui, parce que je crois pas vraiment que les lunettes de vue, c'était super présent au Moyen-Âge. Hein. Ou alors, en Europe, on était des sacrés bourrins dégénérés qui ne pensaient qu'à défoncer leurs voisins. Et j'espère que c'était pas l'idée. Enfin bon, l'idée de notre cher ami, selon moi, c'est de nous montrer un Japon poétique qui oscille entre tradition et modernisme. Qui d'ailleurs est reflété par les personnages de l'histoire. Fou souhaite retrouver ses racines et n'a qu'une seule piste. Un samouraï qui sent le tournesol. C'est donc ça la quête finale quand même de l'histoire, c'est qu'ils sont trois à chercher un samouraï qui sent le tournesol. Ok, d'accord, donc en fait il n'y a pas que toi qui a pris des drogues, c'est-à-dire qu'il y a aussi les auteurs... Qui sent le tournesol. Oui, qui sent mais le tournesol. Mais pourquoi? Mais c'est poétique les mecs, cherche pas. D'accord. Laisse-moi, alors, reste mon avec cerveau moi. Était mon cerveau était déjà parti en vrille avant, mais là je crois que je l'ai perdu complètement. Arrêtez les mecs, arrêtez, laissez-moi essayer de vous convaincre sur la fin. Donc voilà, ils partent pour le samouraï qui sent le tournesol. Ensuite, il y a Mugen, qui lui représente l'acceptation de son passé et son envie de survivre. Bon, on le voit par la violence à chaque fois, hein, c'est tout le temps lui qui déclenche des combats. Et d'ailleurs, en parlant de combats, c'est des combats qui déchirent tout au bazooka, quoi. C'est des combats très rapides, parce que ça respecte quand même la tradition samouraï, parce que c'est vrai que c'était souvent des combats en 2-3 coups d'épée, ça y est, hein, t'étais fini, hein. C'est pas le truc à la Bleach où il te faut à peu près 15 épisodes pour voir un combat qui se finit, hein. Enfin, c'est loin d'être ça. Et voilà, ensuite il y a Jin, qui lui, comment dire, ce serait plus la maturité et la justice qu'il représente. C'est une personne très droite et qui garde la plupart du temps une expression très sérieuse. Donc après un moment, on se rend compte que les deux samouraïs représentent certainement les options qui s'offrent à Fou. Accepter son passé ou faire les choses de manière très juste. De manière, c'est vraiment dans le sens de la justice. Une droiture d'esprit et tout le tralala. Et malgré le fait que personne ne s'apprécie, surtout les deux samouraïs hein, qui sont en permanence en train d'essayer de s'étriper, le groupe se retrouve toujours ensemble. Même s'ils essayent de fuir, le destin les rattrape. Au final, leur quête du samouraï à l'odeur de tournesol, ça représente quelque chose pour chacun d'entre eux. Ça représente un nouveau départ, la possibilité de repartir sur de nouvelles bases et laisser leur passé au placard. Être en paix avec soi-même, j'imagine. Donc voilà pour l'histoire, hein. Vous allez encore me dire que c'est un truc, faut prendre du LSD pour voir ça, mais non, je trouve ça plutôt poétique et même très sympa. Ensuite, voilà, on va parler de la musique parce que, voilà. En gros, la musique, est-ce que vous aimez le rap ? Ça va. Allez. On a tellement pas osé parler tous en même temps que personne n'a parlé. Ok, non, alors... les gars, on avait dit 3 minutes. 3 minutes à partir de la première question de. Je vous déteste. Allez, les mecs, on la refait, mais un petit peu plus énergique. Hein. Hey, est-ce que vous aimez le rap ? Ouais. Oui. Bien, non, voilà. En fait, non, pas du tout. Non. Pas mal, restez avec moi. Est-ce que vous aimez les sons chill ? Ouais. Okay. Ouais. Putain la vache. Oh, ce public de merde, t'imagines, j'aurais ça dans un stade. C'est le mec qui tire, il marque un but, et 5 secondes après, t'entends. Ouais. Merci, ça fait plaisir. Est-ce que vous aimez les instrus qui envoient du pâté? Ouais, carrément. Et bah voilà. Et bah regardez Samouraï Champloo. Juste comme ça. Non, juste comme ça, une des personnes qui a participé à la BO, c'est celui qu'on vient d'entendre avant, hein, Nourafes. Qui est, comment dire, bon. Bah, c'est un peu le maître du milieu, quoi, le papa en tout genre, quand il arrive sur ces sons-là, c'est le meilleur. Mais c'est pas le seul qui était là aussi, il y avait aussi Fat John, Min Mi, et Force of Nature, qui est un groupe, comment dire, où on trouve pas beaucoup d'informations dessus, en fait. Donc le son, les sons sont remplis de samples, en fait, hein. Donc on rappelle ce que c'est, les samples, c'est quand tu chopes une musique et que tu les retournes dans tous les sens et que ça donne complètement quelque chose de différent après. Donc, comme je disais, le son est rempli de samples, avec une ambiance chill, avec des voix suaves, sensuelles, un peu comme celle de Min Mi, ou encore du bon vieux rap US qui envoie du lourd avec Fat John. Voilà pour la musique, hein, je ne vais pas beaucoup plus vous en parler, parce que, allez plutôt l'écouter, hein, ce sera plus rapide. Il y a juste une chose dont je voulais vous parler rapidement, hein, dont je vous ai parlé rapidement au début, comme quoi c'était un Japon moyenâgeux alternatif. Bon, vous l'aurez compris, hein, bien sûr, à part les lunettes, hein, qui sont pas très moyenâge, il y a d'autres choses, hein, qui se sont incrustées. Il y a en fait des clins d'œil au 21e siècle un peu partout. C'est d'ailleurs pour symboliser l'ouverture à la culture occidentale que l'on peut voir des graffeurs, hein, quand même, hein, Japon moyenâge, il y a des mecs qui sont en train de taguer sur les murs. T'as des rappeurs. Ouais, grave. Et puis c'est après, normal, de temps en temps. Le Japon. Et après, sur le côté, tu vois, quand ils passent, de temps en temps, tu peux voir des rappeurs et des mecs qui font du breakdance aussi. Easy. Ils étaient bien ghetto au Moyen-Âge, mon pote, au Japon. En plus, on va dire que le langage utilisé est juste génial. D'une part, parce que ça parle mal. C'est pas le truc qui respecte les temps anciens, tu vois, où ils vont arriver, genre, monsieur, non, ça va être espèce d'enculé, je vais te niquer, tu vois, enfin... Ça va être des trucs de malade. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il pouvait passer qu'à partir de minuit. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu m'étonnes que ça passait en plein milieu de la nuit. Voilà. Et aussi, je vous recommande de voir cet animé parce que, pour une fois, on a une VF de folie furieuse, quoi. Autant la VO est super bien, respecte, hein, mais ça reste très japonais dans le style. Alors que là, pour le coup, on a une VF... Bah, sans déconner, ça doit être une des seules VF qui est mieux que la VO. Dans tous les animés que j'ai regardés, je pense qu'on peut dire ça. Ça existe. Oui, ça existe, oui. J'ai surpris. Maintenant, si on résume, hein, on se trouve dans le Japon du Moyen-Âge à voyager partout dans les terres à la recherche du samouraï qui sent le tournesol, un Japon dans lequel le hip-hop et le street art font une partie intégrale, hein, à l'animé. On suit un groupe ayant des problèmes à régler chacun de leur côté, mais qui cherche une sorte de rédemption ou juste le début de leur nouvelle vie. On peut voir quand même que c'est un animé qui est assez philosophique, et puis c'est vrai qu'il fait voyager, il transporte. C'est... voilà, il fait littéralement voyager, que ce soit avec le son, qu'avec les décors et les graphismes. Il est d'ailleurs connu, cet animé, pour avoir un peu chamboulé le monde de l'animation japonaise. Certes, Maître Matanabe avait mis la barre très haut avec le cultissime Cowboy Bebop, mais son successeur n'a pas de quoi être... n'a pas à être jaloux, hein, car il est plus que réussi. Si vous ne l'avez pas encore compris, je vous implore de regarder cet animé, il est extraordinaire et vous fera passer un très très bon moment. Ah, si c'est aussi cool que Cowboy Bebop, ouais, ça peut être intéressant. Bah franchement, je vous le conseille, hein, moi les mecs, hein. C'est vraiment, déjà, la BO, hein, c'est une tuerie, mais c'est vrai que t'as l'impression de regarder, de devenir ami avec eux, parce que tu arrives au même moment qu'eux, quoi, dans l'histoire. T'es transporté là-dedans et tu les vois évoluer très lentement, hein, c'est sûr. Mais comment dire, tu sens que tu fais partie du groupe à un moment limite. Ok. Très bien, moi j'irai voir, j'irai faire un tour vite fait pour regarder le premier épisode. Ouais, si ça me fait pas, c'est moi qui vais te tuer du coup. Non, ce sera fait. Ça va te plaire, t'inquiète. Mais... Moi, si tu m'implores de le faire, je vais peut-être le faire. Je t'ai imploré dans mon passage là. Bon. Oui, mais je sais, c'est pour ça que je vais peut-être le faire. Je sais pas, peut-être. En tout cas, c'est la fin de l'émission. Hein. On va vous laisser sur le son qui tourne derrière. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission de Big Brother in Games.